إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 125 dans l'explication du Kitab al-Tawhid avec le sharh du Cheikh Saleh al-Fawzan. Et aujourd'hui on va lire le cours numéro 48, pardon, le chapitre 48, Al-Bab al-Thamin wal-Arba'un. Et le titre de ce chapitre c'est Babun man hazala bi shay'in fihi zikrullah ou al-Qur'an ou al-Rasul. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire que dans ce chapitre, on va expliquer le verdict de l'islam au sujet de celui qui se moque de quelque chose qui contient le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le Coran ou le prophète. Donc, on va savoir qu'est-ce que l'islam dit à ce sujet-là, quelqu'un qui se moque de quelque chose qui a rapport avec ces choses-là. Et le cheikh, il mentionne le verset 65 dans... 65 et 66 dans Surat al-Tawbah, ce sont des versets qui clarifient justement le verdict de cette question-là. Donc le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il mentionne le verset en question, et puis ensuite il mentionne la cause de la révélation de ce verset, le sabab nuzul de ce verset. Donc il cite قل أبالله وقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes ou de son messager dont vous vous moquez, dont vous vous moquez? Donc ça c'est une partie du verset, une partie du verset en question. Parce que si on lit le verset au complet, 65 et 66, ça dit, et si tu leur demandais, ils répondraient, si tu leur demandais pour qu'est-ce qu'ils disaient, et pourquoi ils disaient ce qu'ils disaient, ces gens-là, on va savoir c'est quoi exactement, ils répondraient, on ne faisait que jouer et s'amuser. Dit, est-ce que c'est d'Allah et de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc, ça c'est le verset en question. Donc l'explication que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionné dans ce chapitre, c'est la suivante. An ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zayd ibn Aslam wa Qatada daqala hadith ba'dihim fi ba'd annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk ma ra'ayna misla qurra'ina ha'ula arghada butunan wa la akzabu alsinan wa la ajbanu 'inda al-liqa. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. قال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق قال ابن عمر وكأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولا ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. Donc l'explication de la révélation de ce verset, c'est rapporté selon Ibn Omar et Muhammad ibn Ka'b et Zayd ibn Aslam et Qatada, et les hadiths de l'un est rentré dans l'autre, c'est-à-dire ils sont tous rentrés les uns dans l'autre parce qu'il y a plusieurs narrations et on les a résumés en un seul, en une seule narration. Donc c'est l'histoire d'un homme lors de la bataille de Tabouk qui en chemin il racontait des histoires et puis il a commencé à faire des blagues et à dire des choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Donc parmi les choses qu'il a dit, il a dit: je n'ai jamais vu de personne plus gourmande, plus menteuse et plus peureuse lors de la bataille que les compagnons du prophète qui récitent le Coran, c'est-à-dire ceux qui sont les al-qurra, c'est-à-dire ceux qui récitent le Coran et qui sont les savants de parmi les sahaba. Donc Auf ibn Malik, qui était un des sahaba qui était présent parmi eux, il s'est mis en colère lorsqu'il a entendu ça et il a dit: tu as menti, certes tu as menti, mais je vais informer le messager sallallahu alayhi wa sallam de ce que tu as dit. Alors Auf ibn Malik est parti pour aller informer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de ce que cet homme-là avait dit. Et lorsqu'il est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a trouvé que la révélation l'avait déjà devancé, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà reçu la révélation à ce sujet-là et il avait déjà appris que ces gens-là avaient dit cette parole. Alors l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il avait déjà commencé à monter sur son chameau et il avait déjà commencé à avancer. Alors l'homme est venu voir le messager sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur sa monture, sur son chameau, et il lui dit: ô messager d'Allah, on ne faisait que s'amuser et jouer, on n'était pas sérieux et on faisait juste discuter comme ça, parler entre nous pour faire, passer le temps, parce que en voyage des fois le temps peut sembler long. Alors ils racontaient des blagues comme ça entre eux pour essayer de passer le temps. Ibn Omar, il décrit la scène, en fait, de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Il dit: c'est comme si je revoyais maintenant l'homme qui était accroché à la selle de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en train de s'accrocher à sa selle, alors que le chameau avance, et lui, il se fait traîner, et ses pieds frappent les pierres. Et il dit au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam: on ne faisait que jouer et s'amuser au messager d'Allah. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne se tournait même pas vers lui, et il ne faisait autre chose que de réciter les paroles d'Allah dans le verset: est-ce que c'est Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez, ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc il ne faisait que répéter cette parole-là: est-ce que c'est d'Allah et de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez, et il continuait à répéter ça. Donc ça, c'est l'histoire de la cause de la révélation de ce verset. Maintenant le cheikh, le cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, il a donc mentionné ça, et le cheikh Saleh al-Fawzan, il explique maintenant la signification de tout ça. Donc on va maintenant lire le charh, inshallah. Donc le cheikh al-Fawzan, il dit: هذا الباب باب عظيم إذا تأمله الإنسان وعرف واقع الناس فإنه ينفعه الله به. فقوله باب من هزل، والهزل هو اللعب والاستهزاء ضد الجد جلد الجد بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني من استهزأ بشيء من هذه الأشياء فما حكمه؟ حكمه أنه يرتد عن دين الإسلام، لأن هذا من نواقض الإسلام بإجماع المسلمين، سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا، حيث لم يستثني الله إلا المكره. قال تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. فالأمر شديد جدا. الله سبحانه وتعالى إذ quiconque a renié la foi après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Et il en est ainsi parce qu'ils ont aimé la vie présente plus que l'au-delà. Et Allah vraiment ne guide pas les gens mécréants. Voilà ceux dont Allah a scellé les cœurs, lui et les yeux, ce sont les insouciants, et nul doute que dans l'au-delà, ils seront les perdants. Donc ça c'est les versets qui ont été rapportés au sujet de la personne qui dit des paroles de mécréance alors qu'il est sous l'effet de la contrainte, il est forcé, soit que les koufars le prennent avec une arme, avec une arme et disent par exemple soit tu dis cette parole là ou bien on te tue, ou des choses de ce genre. Alors dans un cas pareil, le musulman il est excusé de dire des paroles de mécréance, mais en d'autres cas s'il dit des paroles de mécréance, il se moque de la religion ou l'insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'est pas sous la contrainte, alors dans ce cas-là, il sera mécréant, et c'est la preuve qu'il a le cœur ouvert à la mécréance, parce que il n'est pas sous l'effet de la contrainte, donc il n'a pas d'excuse. Et le fait d'être en train de blaguer, ou de s'amuser, ou de faire des plaisanteries, ce n'est pas une excuse pour que quelqu'un puisse faire des blagues sur la religion, ou sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est à ce sujet. Et le cheikh il dit donc que l'affaire est très, très sérieuse, donc il faut prendre ça, il ne faut pas prendre ça à la légère. Après il dit « وَقَدْ بَيَّنَ الشَّيْخ أَنَّ هَذَا الْحُكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَعَ سَبَبِ نُزُولِهِ فَقَالْ وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبْ ثم ذكر سبب نزول الآية فقال عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر ومحمد بن كعب وهو محمد بن كعب ابن كعب القرظي من بني قريظة وزيد بن أسلم وهو مولى ابن عمر ابن مولى عمر بن الخطاب وقتادة وهو قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي دخل حديث بعضهم في بعض يعني كل هؤلاء رووا هذا الحديث ولكن لما كانت ألفاظهم متقاربة والمعنى واحد دخل حديث بعضهم في بعض فسيق سياقا واحدا من باب الاختصار. Donc le cheikh il explique que le cheikh Mohamed Abdul Wahhab a mentionné donc dans ce chapitre il a clarifié le verdict du Coran à ce sujet-là, en mentionnant la cause de la révélation de ce verset, et il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 65, et si tu leur demandes, ils diront, nous ne faisions que jouer et plaisanter, ou jouer et nous amuser, et nous ne faisions que discuter et jouer. وذكر سبب نزول الآية et il a mentionné à propos de la cause de la révélation, il dit selon Ibn Omar, et c'est Abdullah ibn Omar, et Muhammad ibn Ka'ab, c'est Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi, de la tribu de Quraïda, une des tribus juives, et également c'est rapporté selon Zayd ibn Aslam, qui était un des servants de Omar ibn Khattab, et selon Qatada ibn Di'ama, Ibn Qatada al-Sadousi, et c'est que ça c'est plusieurs narrations du hadith, il y a quatre narrations de ce hadith là, hadith selon Ibn Omar et Muhammad ibn Ka'b et Zayd ibn Aslam et Qatada, et les quatre sont rentrées les unes dans l'autre. Pourquoi? Parce que bon, elles ont des termes ou des mots qui sont utilisés, qui sont proches, qui sont synonymes, et leur signification, c'est la signification des différentes narrations est pratiquement la même, donc on les a mis ensemble pour faire une sorte de résumé de qu'est-ce qui est rapporté dans ces hadiths-là. Donc, le cheikh Al-Fawzan dit, أن رجلا يعني من المنافقين كان في غزوة تابوك، وتابوك اسم موضع شمال المدينة من أدنى الشام، وغزوة تابوك سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن الروم يعدون العدة لغزو المسلمين، وكان هذا في الصيف في شدة الحر ووقت مطيبة الثمار، فالوقت وقت حرج جدا والمسافة بعيدة، والمسافة بعيدة، والعدو عدده كبير، والوقت حار، ووقت مطيب الثمار، والناس بحاجة إليها، والمسلمون عندهم عسرة، فليس عندهم استعداد للتجهز للغزو، ولهذا سمي هذا الجيش بجيش العسرة، وسمي هذه الساعة ساعة العسرة. وقد جهز عثمان رضي الله عنه من ماله 300 بعير بجميع لوازمها، فهو الذي جهز جيش العسرة من ماله الخاص، وهذا من أعظم فضائله رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك شارك من الصحابة بما عندهم من مال، فجهزوا الجيش وخرجوا، وكانت آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que un homme parmi les munafiqin durant l'expédition pour la bataille de Tabouk, le cheikh explique que Tabouk c'était une région dans le nord de la péninsule, en fait c'est au nord de Médine, et c'est à proximité de la Syrie, en fait, c'est dans le nord de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui. Il existe encore cette ville. Et à cet endroit-là, il y avait un camp des Romains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu que les Romains préparaient une bataille pour venir affronter les musulmans. Ils voulaient venir attaquer les musulmans. Alors, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu ça, il a décidé d'aller à leur rencontre et de les combattre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préparé cette expédition-là. Et c'était en plein été, dans la chaleur intense de l'été. Et on sait que l'été là-bas en Arabie Saoudite, c'est pas comme l'été ailleurs, c'est une chaleur durant l'été parfois qui peut atteindre 50 degrés parfois à l'ombre. C'est vraiment une chaleur intense, et en plus de ça, c'est qu'ils doivent passer par le désert pour arriver jusqu'à Tabouk. Et personnellement, moi-même, je me souviens, quand j'étais en Arabie Saoudite, quand je suis parti en Jordanie, j'ai pris le trajet par l'autobus pour aller là-bas, ça nous a pris 14 heures pour arriver en Jordanie. Donc on passe par Tabouk pour y aller, et donc ça prend plusieurs heures pour arriver là-bas. Donc ça c'est aujourd'hui avec les moyens de transport et avec les belles routes, mais à l'époque bien entendu c'était beaucoup plus difficile encore parce que il n'y avait pas de, yani, de route et c'était vraiment à dos de chameaux, donc le transport était beaucoup plus lent. Malgré tout, ils sont partis hein, dans cette chaleur intense-là. Sauf que c'était difficile, hein, et c'était difficile et il y a beaucoup de gens justement qui hésitaient à partir à cause de ça. Yani, non seulement ça, c'était la période de la récolte des fruits, hein, des dattes. À cette période-là, c'est la période de la récolte et les gens en ont besoin. Les gens ont besoin de ces fruits-là pour manger et pour les vendre aussi. Donc c'était à ce moment-là. Donc c'était un moment très très difficile. Et non seulement ça, mais comme je disais tout à l'heure, la distance est énorme. C'était une distance très très grande à parcourir et l'ennemi est nombreux. Hein. Aller combattre les Romains, c'est quand même pas n'importe quoi parce que c'était un des grands empires de l'époque. Donc de partir et de combattre contre les Romains, c'était bien entendu une grande expédition et c'était quelque chose de sérieux. Donc il y avait beaucoup de raisons pour faire hésiter certaines personnes et faire que certaines personnes avaient vraiment pas envie de partir. Hein, à ce moment-là. Il faisait très chaud, c'était le moment de la récolte, et ainsi de suite. Et les musulmans, à l'époque, ils avaient de la difficulté, ils étaient dans une période difficile. Ils n'étaient pas du tout prêts à partir en expédition pour aller combattre. Donc, ils n'étaient pas du tout en état, ils n'étaient pas prêts. Et c'est pour ça qu'on a appelé cette armée-là l'armée de la difficulté. Et on a appelé cette époque-là l'époque de la difficulté, ou la période difficile. Et il y a un des compagnons, Othman ibn Affan, radiallahu anhu, il a préparé à lui seul 300 monteurs, hein, 300 bêtes pour partir. Et avec tout ce que ça comprend. Donc c'est-à-dire il a équipé 300 soldats, yani, avec leurs montures et tout ce qu'ils ont besoin, à lui seul de son propre argent, de son argent à lui. Donc ça veut dire, à lui seul, il a préparé cette armée-là. Et il y a également d'autres parmi les Sahaba qui ont aussi préparé yani, leur départ à eux, qui ont dépensé de leur argent pour ça, pour participer avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette bataille. Et c'était la dernière expédition à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé durant sa vie. Donc le cheikh il explique tout ça. Et après il commence à dire, le cheikh il dit "Wal munafiqun saru yatakallamuna wa'tazaru 'an al-khuruj li'annahum laysa ma'ahum iman." والغزوة هذه صعبة لا يصبر عليها إلا أهل الإيمان وهذه حكمة من الله تعالى واختبار في آخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أراد الله أن يختبر المسلمين ليظهر الصادق من المنافق والصادقون ما ترددوا ولا تلكأوا أما المنافقون فإنهم تلكؤوا وجعلوا يتكلمون ويقولون يحسبون أن غزو بني الأصفر مثل غزو العرب كأننا بهم يقرنون في الأصفاد وما أشبه ذلك من الكلام القبيح واعتذروا عن الخروج ولهذا قال يقول الله سبحانه وتعالى ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة لأن المسافة بعيدة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين وخرج المسلمون وصبروا على المشقة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبه ما أصابهم من الشدة من الرمضاء ومن الحر وخرجوا وذهبوا ووصلوا إلى تبوك ونزلوا فيه فلما علم العدو بقدومهم إلى تبوك أصابه الرعب وتقهقر. Donc le chef il dit que à l'époque il y a des hypocrites qui ont commencé à parler, hein, les munafiqoun, quand l'expédition a été annoncée, là il y a des hypocrites, des munafiqoun qui ont commencé à parler et ils commencent à s'excuser en voulant dire qu'ils ne peuvent pas venir, qu'ils sont pas capables ou qu'ils ont des excuses ou des empêchements. Hein? Donc ils ne voulaient pas venir. Et le chef s'est dit pourquoi ils ne veulent pas venir? Parce qu'ils n'ont pas de foi. C'est une bataille qui est difficile, c'est une expédition qui est difficile, qui demande beaucoup de patience, et c'est seulement les gens qui ont la foi qui sont capables de supporter ça. Et le chef il dit que ça c'était une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et un test à la fin de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour arriver à tester les musulmans, pour faire voir en fait qui est le sincère et qui est l'hypocrite, hein, parce que les gens qui sont sincères parmi les croyants, ils n'allaient pas hésiter, hein, ils n'allaient pas hésiter de partir, tandis que les hypocrites, eux, eh bien entendu, ils allaient traîner et rester derrière. Et ils ont commencé à faire des remarques et à faire des critiques. Et certains d'entre eux, ils disaient par exemple, est-ce que vous croyez que les guerres contre les Romains, c'est comparable aux guerres qu'on fait entre les Arabes, hein, en voulant dire que, ne pensez pas que vous êtes capable d'affronter les Romains, parce que les Romains, c'est pas comme si vous allez vous battre avec des Arabes. Les Arabes, ils se battent pas de la même façon. Et les Romains, eux, sont beaucoup plus forts et beaucoup plus organisés et tout. Donc, en voulant dire, ils essaient de faire peur aux musulmans, puis de dénigrer les musulmans par rapport aux Romains. Donc ça, c'était le genre de paroles laides que certains hypocrites faisaient. Hein, et ils s'excusaient en disant non, on peut pas partir, on peut pas partir pour l'instant, ou des choses de ce genre. Et justement à ce sujet-là, il y a des versets qui ont été révélés dans Sourate At-Tawbah qui expliquent justement cette situation-là de la part des munafiqins. Le cheikh, lui, il cite le verset 42 et 43 dans Sourate At-Tawbah, et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et s'il s'agissait d'un profit facile ou d'un voyage court, il t'aurait suivi, hein, dans l'expédition, mais la distance leur parut longue parce que c'était un long voyage, hein, Tabouk c'est très loin. Après il dit, et ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Et ils se perdent en eux-mêmes. Hein, ils se perdent eux-mêmes en disant des choses pareilles. Et Allah sait bien qu'ils sont des menteurs ou bien qu'ils mentent. Et après, Allah fait des réprimandes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission de ne pas partir avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs permissions. Et Allah connaît bien les pieux. Ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont emplis de doutes, ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Donc ça, c'est des exemples de versets qui sont révélés au sujet de leur hésitation, puis au sujet de Munafiqin et de leur attitude par rapport à la bataille et à l'expédition de Tabouk. Mais les musulmans sont sortis, eux, et ils ont fait preuve de patience et d'endurance. Ils ont enduré la difficulté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti avec eux, et il a subi ce que les autres ont subi de difficulté par rapport à la chaleur et à la chaleur du désert et à la difficulté. Et ils sont partis, ils sont allés là-bas, ils sont arrivés là-bas à Tabouk. Puis une fois qu'ils sont arrivés à Tabouk, ils ont attendu là-bas pendant quelques jours, et lorsque les Romains ont su auparavant que les musulmans arrivaient, eh bien, ils ont pris panique, ils ont eu peur et ils se sont enfuis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté là-bas plusieurs jours à les attendre, il attendait leur venue, mais ils ont eu peur et Allah a mis l'effroi dans leur cœur et ils ne sont jamais venus. Et donc les musulmans sont revenus à Médine en toute sain et sauf, et ils ont été récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala, et les munafiqoun, eux, ont été on a vu en fait la perte et la faillite des hypocrites. Puisque eux n'ont rien gagné, ils n'ont rien eu en retour, excepté qu'on les a démasqués dans leur hypocrisie. Le cheikh il dit: فنزل النبي صلى الله عليه وسلم أياما في تبوك ينتظر قدومهم ومجيئهم، ولكن جبنوا وألقى الله الرعب في قلوبهم ورجع المسلمون سالمين مأجورين وخاب المنافقين. وأنزل الله في هذه الغزوة سورة كاملة، وهي سورة التوبة التي فضح الله فيها المنافقين وأثنى فيها على المؤمنين، وهكذا حكمة الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده. فكان للمنافقين كلمات منها ما في هذا الحديث، حيث قال رجل منهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني بالقراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وهذه الصفات في الواقع هي صفات المنافقين، ولكنهم وصفوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني donc le cheikh il dit donc ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler une sourate au complet à propos de cette expédition. Et c'est sourate At-Tawbah. Donc si vous voulez savoir exactement les détails au sujet de cette bataille, de cette expédition, et qu'est-ce qui s'est passé, eh bien vous pouvez regarder dans sourate At-Tawbah. Vous allez voir beaucoup d'exemples, et cette sourate, c'est une sourate par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a démasqué les hypocrites, al-munafiqoun. Et bien entendu, il y a dedans une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux musulmans de sortir pour Tabouk dans le but de les éprouver et de les tester. Et donc, parmi les choses qui se sont produites, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Parmi toutes les choses qui entourent, qu'est-ce qui est révélé dans sourate Tawbah, si vous la lisez, vous allez voir, c'est vraiment une belle sourate. Vraiment, mashallah, rempli de leçons et de sagesse. Et le cheikh, il dit, le cheikh, il explique ensuite la suite de l'explication de l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. C'est qu'il y a un homme parmi les munafiqins qui a dit des paroles vraiment laides. Parmi les paroles qu'il a dit, c'est qu'il a commencé à critiquer et attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba et il a dit que ils étaient parmi les gens qui récitent le Coran, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. On n'a jamais vu de plus gourmand, de plus menteur et de plus peureux. Et ça, c'est des caractéristiques en réalité qui sont les caractéristiques des hypocrites. Mais eux, ils ont donné ces caractéristiques-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons. Donc, Auf ibn Malik, le cheikh il dit, فَقَالَ عَوْفِ بْنُ مَالِكَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ لَأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذَا مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ وَمِنَ النَّصِيحَةِ لِوُلَاةِ الْأُمُورِ فَالْمُسْلِمُ يُبَلِّغُهُمْ مَقَالَاتِ الْمُفْسِدِينَ وَالْمُنَافِقِينَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى أَيْدِي هَؤُلَاءِ لِئَلَّا يُخِلُّوا بِالْأَمْنِ وَيُفَرِّقُوا الْكَلِمَةَ فَتَبْلِيغُ وُلَاةِ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ كلمات المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين هو من الإصلاح ومن النصيحة لا من النميمة فذهب عوف بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه لأن الله سبحانه وتعالى سمع مقالتهم وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم الخبر قبل أن يصل إليه عوف. وهذا فيه سعة علم الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que Auf ibn Malik, quand il a entendu cet homme-là dire une parole pareille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: non, tu as menti, certes je crois que tu es un munafiq, je crois que tu es un hypocrite. Et il a dit: je vais informer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au sujet de cette parole là que tu viens de dire. Et ça fait partie de dénoncer le mal. Quand il y a quelqu'un qui fait un mal, de le dénoncer et de donner la nasiha aux dirigeants des musulmans au sujet de cette personne qui est en train de dire des paroles de désordre et de corruption ou de mécréance. Et que ça ne fait pas partie de la médisance, mais que ça fait partie de donner la nasiha et que c'est obligatoire pour les musulmans de le faire. Donc quand le musulman il fait ça et qu'il va dire aux dirigeants et aux autorités les paroles et les complots et les plans et les choses qui sont mauvaises, et bien dans ce cas-là ils sont en train de faire quelque chose de bien et non pas quelque chose de mal, hein, contrairement à ceux qui vont justement dire: ah non, c'est pas bien, il faut pas aller se mêler de qu'est-ce qui nous regarde pas, il faut pas parler de ces choses-là, il faut pas aller dénoncer ces gens-là, au contraire, hein. Et qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que les gens ils sont comme ça, ils disent: non, il faut pas se mêler de ce qui nous regarde pas, c'est pas de nos affaires, il faut pas faire quoi que ce soit là-dedans. Ils voient des gens qui sont en train de dire des choses dangereuses ou des choses graves, ou bien qu'ils sont en train de faire des crimes ou des choses mauvaises et des choses interdites, et ils se taisent et ils le cachent. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de justement donner le bon conseil et d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et que ça c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est pas que dans la société les gens ils se cachent les uns les autres. Et puis il y en a des gens, parfois ils voient quelqu'un en train de faire un crime ou de faire quelque chose de mal, et puis ils ne dénoncent pas ces gens-là. Et donc l'argument de ces gens-là c'est de dire: non, c'est pas de mes affaires, ça ne me regarde pas, je veux pas avoir des problèmes, et donc ils le cachent. Et le fait que les gens agissent de cette façon-là, c'est ça qui fait en sorte que le mal se répand encore plus, de plus en plus dans la société, parce que à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de mal, personne ne le dénonce. Et tout le monde pense que c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et donc, à la fin, ça retombe le mal sur tout le monde par la suite, parce que ces gens-là ne s'arrêtent pas comme ça. Donc ça, c'est très important de comprendre ces choses-là, parce que j'ai entendu des frères qui m'ont parlé de qu'est-ce qui se passait dans certains pays musulmans, et ils faisaient comprendre que dans certains endroits, dans certains pays, ils vont jamais aller avertir les autorités lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal, et soi-disant tout le monde se protège les uns les autres dans le crime et dans l'injustice et dans le mal, et c'est ce qui fait en fait que le mal continue dans la société et devient de plus en plus grand. Et ça c'est à cause d'une mauvaise compréhension de l'islam. Donc c'est important de savoir que de dénoncer ces gens-là, c'est quelque chose qui est obligatoire, et que ça fait partie de l'islam, et que c'est pas une médisance, bien au contraire. Hein. C'est pas comme ils disent, ah mais t'es une balance, tu vas rapporter les paroles. Au contraire, ça c'est quelque chose d'obligatoire, et quelque chose de bien, parce que tu ordonnes le bien, et tu interdis le mal, et tu t'encourages avec tes frères dans la piété et dans le bien, et tu t'éloignes du péché. Donc ça c'est un exemple. Et ensuite le cheikh il dit donc que Auf est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui annoncer la parole de cet homme, pour lui dire que cet homme-là il avait dit telle et telle et telle parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation justement qui était reliée la parole de cet homme-là. Donc il avait déjà été informé par Allah subhanahu wa ta'ala de cet événement-là. Et ça fait partie donc des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ça fait partie des signes qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réellement un messager et un prophète. Le cheikh dit également, il y a un signe de la grandeur de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est une grandeur infinie, hein. Il a la science de toutes choses. Ensuite le cheikh dit, « وَفِيهِ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ وَأَنَّ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ يُوحِي إِلَيْهِ وَيُبَلِّغُهُ الْخَبَرَ بِسُرْعَةِ كان يوحى إليه ويبلغه الخبر بسرعة ثم جاء ذلك الرجل الذي تكلم بهذا الكلام والعياذ بالله فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتحل وركب ناقته من أجل أن يفسد على المنافقين خطتهم ومن أجل أن ينهي هذه الخطة الخبيثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونحدث ونتحدث حديث الركب ونقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم النسعة هي الحبل الذي يشد به الرحل وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فالرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه بقوله تعالى أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le cheikh il termine ce chapitre avec l'explication suivante qui dit que cette mauvaise parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'avait entendue déjà, c'est-à-dire Allah lui avait révélé, et il était déjà monté sur son chameau et il était déjà commencé à avancer et à partir. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti déjà dans le but de détruire le plan des hypocrites, et aussi pour justement briser leur mauvaise planification et leur mauvaise ruse qu'ils voulaient essayer de faire. D'accord. Et ensuite, il est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, nous ne faisions que nous discuter et plaisanter. On parlait durant le chemin pour couper la longueur parce que c'était trop loin, et donc on faisait ça pour passer le temps. Et donc, Abdullah ibn Omar, radiallahu anhu, il dit, c'est comme si je voyais cet homme-là accroché à la nis'a, c'est écrit nis'a, et nis'a c'est la corde qui est utilisé pour tenir yani pour tenir la selle et les trucs sur le chameau. Donc il s'accrochait à ça et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait: est-ce que c'est Allah de ces signes et yani est-ce que c'est Allah que vous vous moquiez et de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Hein, parce que lui il disait au messager d'Allah, on faisait juste discuter puis jouer, on ne voulait pas être sérieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondait avec le verset: est-ce que c'est Allah de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Donc, c'est pour dire que le fait de se moquer ou de faire des blagues ou de jouer, c'est pas une excuse pour justement yani, dire des paroles de kufr ou pour se moquer ou blaguer au sujet de la religion. Parce que la religion, ce n'est pas un sujet sur lequel on a le droit de se moquer. Et bien sûr, dans l'islam, pour faire des blagues, il y a des conditions, même dans la religion, même dans la question de blagues, il y a des conditions à respecter. Donc on ne peut pas, par exemple, mentir. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à celui qui fait des qui dit des choses mensongères pour faire rire les gens. Donc on n'a pas le droit de dire des mensonges pour faire rire les gens. Et aussi on n'a pas le droit de se moquer des gens, hein, de se moquer d'eux. Et de se moquer de la religion encore moins. Surtout à une époque où les gens, maintenant, ils commencent à faire ce qu'on appelle des comédiens comme des humoristes qui se tiennent devant les gens puis qui commencent à raconter tout et n'importe quoi. Et yani, ils se font même parfois des blagues contre la religion, contre les politiciens, contre les gens en général. Et tout ça, bien entendu, c'est quelque chose qui rentre dans ce qui est haram. Parce qu'on n'a pas le droit de dire des mensonges pour faire rire les gens, puis on n'a pas le droit de se moquer de la religion encore moins, parce que c'est kufr, c'est un acte de mécréance, et on n'a pas le droit non plus de se moquer des savants de la religion et des politiciens, contrairement à ce que font les humoristes aujourd'hui. Donc on voit que tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Surtout par exemple, aussi comme on mentionnait les trucs des humoristes et des caricatures et des gens qui appellent à la liberté d'expression et des trucs comme ça, tout ça, c'est des choses bien entendu qui vont en opposition avec l'islam. Donc on va donc continuer maintenant avec les points qui sont reliés avec ce chapitre, Inch'Allah. Puis le chef il a mentionné 9 points, donc on va les lire, ça fait comme un résumé du chapitre. الفائدة الأولى أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن ارتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد، وهذا وجه المناسبة من عقد المصنف لهذا الباب، أن من استهزأ بشيء بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن دين الإسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دونك على سنة الخشان إن شاء الله. ها؟ من بوست. دونك الشيخ الذي أن من استهزأ بالله أو برسوله أو بالقرآن أو استهان بشيء من ذلك أنه يرتد عن دين الإسلام ردة تنافي التوحيد وتخرج من دين الإسلام، لأن هؤلاء كانوا مؤمنين فارتدوا عن دينهم بهذه المقالة بدليل قوله فقد كفرتم بعد إيمانكم. Le premier point, c'est que quiconque se moque d'Allah, de son messager ou du Coran, il a apostasié de l'islam. D'une forme d'apostasie qui le fait qui oppose le tawhid, ça détruit la foi. Et c'est pour ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné ce chapitre-là dans le livre de tawhid, parce que c'est quelque chose qui s'oppose au tawhid. celui qui se moque d'Allah et de son messager ou du Coran ou de quelque chose qui a rapport avec la religion, donc il quitte l'islam. Et ça c'est le point que le point numéro un. Et c'est, la preuve c'est que ces gens-là c'était des croyants, puis ils ont dit cette parole-là et ça les a fait sortir de la religion. Et la preuve de ça c'est quand Allah il dit qad kafartum ba'da imanikum, c'est-à-dire vous avez mécru après avoir vu la foi. Le point numéro 2, al-fa'ida al-thaniya, anna nawaqid al-islam la yu'fa fiha 'an al-la'b wal-mazh. سواء كان جادا او هازلا بل يحكم عليه بالردة والخروج من دين الاسلام لان هؤلاء زعموا انهم يمزحون ولم يقبل الله جل وعلا عذرهم لان هذا ليس موضع لعب ولا موضع مزح. Donc le cheikh il dit que comme deuxième point, parmi les choses qui annulent l'islam, on ne peut pas prendre, on peut pas excuser quelqu'un par le fait qu'il se moque ou qu'il s'amuse ou qu'il fait des blagues. Si il se moque de la religion, donc même qu'il soit sérieux ou non, il a apostasié la religion musulmane, même s'il prétend qu'il fait juste s'amuser. Parce que c'est pas un sujet au sujet duquel on peut rire. Et justement, maintenant à l'époque actuelle, les humoristes ils disent non, il n'y a pas de sujet qu'on ne peut pas se moquer. Hein. Et ça, ça a fait un gros scandale dernièrement quand on a parlé, par exemple, des questions des caricatures qui ont rapport avec les caricatures du prophète sallallahu alayhi wa sallam que certaines personnes ont fait. Et ils ont dit non, c'est notre liberté d'expression, on a le droit de faire des blagues sur qu'est-ce qu'on veut, n'importe quoi. Il n'y a rien qui est exclu de notre liberté d'expression. Hein. Puis on sait qu'est-ce que ça a amené comme problème et comme débat, puis comme complication par la suite. Donc, la liberté de faire le bien, c'est pas la même chose que la liberté de faire le mal. Et pour certains, on dirait qu'ils ne distinguent pas entre la liberté de faire qu'est-ce qui est bien et la liberté de faire qu'est-ce qui est mal. Le cheikh dit al-fa'ida al-thalitha wujub inkar al-munkar. لأن عوف بن مالك أنكر ذلك وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. Le troisième point, l'obligation de dénoncer un mal lorsque quelqu'un fait quelque chose de mal. Et le prophète صلى الله عليه وسلم, quand عوف بن مالك est venu lui dire qu'est-ce que l'homme avait dit, le prophète صلى الله عليه وسلم ne l'a pas réprimandé et il a été satisfait de ça. Donc ça c'est la preuve que c'est quelque chose de bien de dénoncer quelque chose de mal lorsque c'est nécessaire. الفائدة الرابعة أن من لم ينكر الكفر والشرك فإنه يكون كافرا لأن الذي تكلم في هذا المجلس واحد والله نسب هذا إلى المجموع فقال أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لأن الراضي كالفاعل وهذه خطورة عظيمة. Le point numéro 4, c'est que celui qui est en présence d'un kufr ou d'un shirk et qu'il voit être en train de se faire et qu'il ne dit rien et qu'il est assis avec ces gens-là pendant qu'ils sont en train de le faire comme si rien n'était, qu'il est considéré comme un d'entre eux. Et la preuve de ça, c'est que dans le verset en question, la personne qui a dit la parole était une seule personne. Et pourtant, Dieu l'a fait tomber le verdict sur tous ceux qui étaient présents, hein, parce qu'il a dit au pluriel قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ, alors que la personne qui a fait la blague c'était une seule personne, mais tous ceux qui étaient avec lui qui n'ont rien dit, ils ont été calculés là-dedans. Donc ça c'est la preuve que celui qui est satisfait d'une action, celui qui est satisfait de quelque chose, alors c'est comme si il était complice dans ça et il rentre dans le verdict lui aussi. D'accord? Mais s'ils sont pas musulmans, ils sont déjà pas musulmans, comme s'ils peuvent pas sortir de la religion puisqu'ils sont déjà en dehors. Mais si toi t'es assis avec eux au moment où ils sont en train de faire des blagues sur la religion ou sur Dieu ou sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce cas-là, si tu restes avec eux puis tu dis rien, puis tu es d'accord de ça, donc tu es comme, considéré comme un d'entre eux dans ce cas-là. Ouais. Donc tu dois t'en aller. Et même il y a des versets même dans le Coran qui... Ouais, il y a un verset qui parle de ça, c'est que si vous... Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous êtes en présence des gens et que vous les entendez dire des choses contre les versets d'Allah et commencer à se moquer d'Allah, dans ce cas-là, et de la religion, dans ce cas-là, ne restez pas avec eux pendant qu'ils sont en train de dire ces choses-là. Si vous restez, vous êtes un des leurs. Hein. Donc ça, c'est pour nous faire comprendre que on n'a pas le droit de rester en présence des gens qui se moquent. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, écartez-vous d'eux jusqu'à ce qu'ils changent de conversation et qu'ils cessent de parler de se moquer de la religion ou parler contre la religion. D'accord? Sinon, si vous êtes là, c'est un signe de votre satisfaction et que vous êtes d'accord avec ce qui est dit et vous êtes donc, complice avec ça. Ça c'est le point numéro 4. Ensuite, le point numéro 5. أن إبلاغ ولي الأمر عن مقالات المفسدين من المنافقين ودعاة السوء الذين يريدون تفريق الكلمة والتحريش بين المسلمين من أجل الحزم يعد من النصيحة الواجبة وليس هو من النميمة، لأن عوف بن مالك رضي الله عنه فعل ذلك ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا من النصيحة وليس من النميمة المذمومة. Donc, encore une fois, le chef, il mentionne que de transmettre aux dirigeants les paroles des gens qui font le désordre et la corruption parmi les munafiqines et les gens qui appellent à qu'est-ce qui est mal, et ou qui veulent diviser les musulmans puis faire des problèmes parmi les musulmans. Dans ce cas-là, d'informer les dirigeants de ces choses-là, ça fait partie de donner le bon conseil et c'est obligatoire et ça ne fait pas partie de la médisance dans ce cas-là. Et Auf ibn Malik l'a fait, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a informé de ce que l'autre avait dit, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas désapprouvé de ça. Donc ça prouve que c'est permis et que c'est, ça fait partie de, du bon conseil. Le point numéro 6, فيه احترام أهل العلم وعدم السخرية منهم أو الاستهزاء بهم لأن هذا المنافق قال ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ويريد بذلك العلماء والعلماء ورثة الأنبياء وهم قدوة الأمة فإذا طعنا في العلماء فإن هذا يحدث الخلخلة في المجتمع الإسلامي ويقلل من قيمة العلماء ويحدث التشكيك فيهم. Donc le cheikh il dit que on n'a pas le droit non plus de il dit on est obligé de respecter les savants et les ulama, c'est-à-dire les savants de l'islam. Et on n'a pas le droit de se moquer d'eux. Et cet hypocrite-là, la preuve de ça, c'est que cet hypocrite avait dit on n'a pas vu de plus gourmand ou peureux ou menteur que ceux-là, c'est-à-dire les savants, les qurra parmi les compagnons. Et Al-Qurra, si tu le traduis littéralement, ça veut dire ceux qui lisent ou ceux qui récitent le Coran. Parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui lisaient le Coran, c'était eux les savants de l'islam. Et donc, lorsqu'il disait cette parole-là, c'est comme s'il est en train de se moquer des savants. Et les savants sont les héritiers des prophètes, hein, sont les héritiers des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont des exemples et des modèles pour nous. Et donc, celui qui attaque les savants, eh ben, il crée un problème, il crée du désordre dans la société musulmane et il rabaisse il diminue la valeur des savants et il crée un doute au sujet des savants. Et donc, ça, c'est quelque chose d'interdit et de mauvais. Et, vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset il dit est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez, alors qu'en réalité ils ne se sont moqués que des savants de l'islam et Allah subhanahu wa ta'ala a calculé ça comme s'ils sont en train de se moquer d'Allah, de ses signes et de son messager. Donc celui qui se moque des savants de l'islam, c'est comme s'il se moquait de l'islam, il se moquait de Allah et de son messager. Donc c'est quelque chose de grave. Bien entendu, c'est c'est quelque chose de très dangereux. Et le cheikh dit « Wa nasma'u wa naqra min ba'd du'at, min ba'd du'at as-su' man yaqul ha'ula ulama hayt wa ulama nifas wa ha'ula ulama as-salatin wa ha'ula ulama baghla ba'lat as-sulta wa ma ashbaha dhalika wa hadha al-qawl min hadha al-bab wa al-'iyadu billah لأن للعلماء ليس للعلماء ذنب عند هذا الفاسق إلا أنهم لا يوافقونه على منهجه المنحرف فالوقيعة بالمسلمين عموما ولو كانوا من العوام لا تجوز لأن المسلم لا حرمة له حرمة فكيف بولاة الأمور بولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين فالواجب الحذر من هذه الأمور وحفظ اللسان والسعي في الإصلاح والنصيحة من مما والنصيحة والنصيحة من من يفعل هذا الشيء من من يفعل هذا الشيء. Donc le cheikh il dit que on entend souvent des gens aujourd'hui, il y en a qui appellent à ces affaires là, à insulter les savants de l'islam et à les dénigrer. Par exemple, il y en a qui disent « Ah, ça c'est des savants, ils ne parlent que des menstruations, puis des écoulements des femmes. » Ils disent ça pour les dénigrer. Ils disent ça pour essayer de les dénigrer. Et ils disent « Ce sont des savants qui sont au service des dirigeants. » Ils travaillent pour les dirigeants. » Donc, ils essaient de se moquer d'eux en les appelant de cette façon-là. Et le cheikh il dit que ces paroles-là, c'est des paroles de moquerie contre les ulama, et ça c'est très grave. Et il dit que les ulama n'ont aucun blâme, excepté qu'ils ne sont pas d'accord avec leur manhaj, le manhaj de ceux qui appellent à ces idées-là, à des idées politiques ou des trucs de ce genre. Et eux, ils n'aiment pas ça, donc étant donné qu'ils n'aiment pas, ils ne sont pas d'accord. Ils sont pas contents que les savants sont pas d'accord avec eux, alors ils commencent à les attaquer. Ils commencent à attaquer les ulama, parce que les ulama sont pas d'accord avec leur méthodologie et avec les actions et les paroles qu'ils font et qu'ils disent. Alors à cause de ça, ils commencent à critiquer les savants. Donc le cheikh dit qu'en général, c'est pas permis d'attaquer les savants et même de parler contre les musulmans et d'insulter les musulmans et de se moquer des musulmans, c'est pas permis. Parce que le musulman, il a son honneur, il a son respect. Alors que dire de l'honneur des dirigeants et l'honneur des savants de l'islam, c'est encore plus grand. Et donc c'est obligatoire d'avertir contre les gens qui disent des choses comme ça et qui font des choses comme ça. Et on doit préserver et garder notre langue de dire des choses pareilles. Et de faire des efforts pour essayer de corriger la société et réformer et de donner le bon conseil. الفائدة السابعة في الحديث دليل على معجزة في الحديث دليل على معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أنه بلغه الوحي عن القصة قبل أن يأتي إليه عوف بن مالك وهذا مصداق قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Le point numéro 7, il y a la preuve ici que d'un des miracles parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la révélation lui est venue avant même que Awf ibn Malik vienne le voir. Et ça c'est pour confirmer le verset 3 et 4 dans sourate Al-Najm, il ne parle pas de selon ses passions, ce n'est qu'une révélation qui lui est donnée. Donc il parle selon la révélation. Le point numéro 8, c'est le hadith d'Alim ala anna nawaqid al-islam la yu'zaru fiha bil-mazh wal-la'ib li'annaha laysat majalan lidhalika wa innama yu'zaru fiha al-mukrah 'ala al-qawl khassatan kama fi ayat an-nahl illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil-iman. Donc dans le hadith, il y a la preuve que de se moquer, ça fait partie des choses qui annulent l'islam d'une personne s'il se moque de la religion, et qu'il n'est pas excusé parce qu'il fait une blague ou parce qu'il joue, parce qu'il n'a pas d'excuse dans ce sujet-là, ça des blagues. La seule personne qui est excusée, c'est la personne qui est contrainte. Quand on le force à dire ces paroles-là, dans ce cas-là, il est excusé. Et la preuve, c'est le verset 106 dans Sourate An-Nahl, qui donne une excuse à celui qui dit une parole de mécréance alors qu'il a été contraint. Et le point numéro 9, c'est le hadith d'Alim ala wujub al-ghilza ala a'da illahi wa rasulihi min al-munafiqina wal-kuffar wa du'at al-dhalal wa ana l'insan la yalin lahum li'annahu in lana ma'ahum khada'uhu wa nafadhu sharrahum. والحديث دليل على وجوب الغلظة على أعداء الله ورسوله من المنافقين والكفار ودعاة الضلال وأن الإنسان لا يلين لهم لأنه إن لان معهم خدعوه ونفذوا شرهم فلا بد من الحزم من ولي الأمر ومن العالم نحو المنافقين والكفار ودعاة السوء. C'est un point important aussi, le point numéro 9. C'est que dans le hadith, on a la preuve qu'il est obligatoire d'être dur envers les ennemis d'Allah, de son messager, et envers les hypocrites et les koufars et les gens qui appellent à l'égarement. Parce que si tu agis avec douceur avec ces gens-là, lorsqu'ils se moquent et lorsqu'ils font des blagues contre l'islam, alors ils vont te tromper et ils vont répandre leur mal par la suite. Et il y a des musulmans, malheureusement, ils n'ont pas compris ça. Des fois, ils entendent des gens qui se moquent de l'islam et des musulmans, et ils agissent avec douceur et ils leur parlent gentiment, comme s'ils pensent que c'est ça avoir de la sagesse. Mais des gens comme ça, qui se moquent de l'islam et de la religion, il ne faut pas leur parler avec douceur et gentillesse. Il faut être ferme avec eux et leur faire comprendre qu'on n'est pas d'accord avec cette attitude-là, puis leur faire comprendre qu'on est contre ça, hein, pour qu'ils gardent leur bouche fermée la prochaine fois ou qu'ils aient un respect. Parce que s'ils te voient rire puis blaguer avec eux par la suite, ils vont penser que c'est pas sérieux puis que tu n'as pas de respect toi-même pour ta religion, donc ils vont continuer toujours à se moquer de ta religion devant toi. Et puis ils vont prendre ça comme à la légère par la suite. Et c'est arrivé ça à certaines personnes même à Montréal, des gens qui sont allés à des émissions de radio avec des gens qui se moquent de l'islam puis qui se moquent de Dieu. Et puis lui, il se moque de la religion devant eux, puis eux ils rient avec lui, ils plaisantent comme si c'est une blague. Et ça, c'est très très grave en fait, parce que des gens comme ça, il faut leur dire. Ça, j'accepte pas tes insultes et tes paroles de ce genre, tes moqueries, tu les gardes pour toi. Et puis tu sors, tu restes pas avec lui, tu restes pas continuer à blaguer avec la personne, parce que sinon tu tombes encore plus bas, hein. Et tu risques même peut-être d'être complice dans ces moqueries-là contre l'islam, hein. Comme la Minfoura, Adu Trissac, puis Sami Alaouni, et puis les autres. Ça, c'est grave d'agir de cette façon-là. Donc il rabaisse l'image de l'islam et des musulmans, parce qu'ils montrent qu'ils n'ont pas d'honneur, ils n'ont pas de fierté, et qu'ils ne se fâchent même pas quand on les insulte ou quand on insulte la religion de Dieu. Si on t'insulte toi, ça tu peux laisser passer si tu veux, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire quelqu'un te dit des insultes personnellement, dirigées vers toi personnellement, tu peux laisser passer si ça te dérange. Si ça ne te dérange pas, tu les laisses. Hein, moi si quelqu'un m'insulte, il m'insulte ma personne, il m'insulte mon apparence ou quelque chose comme ça, ça c'est pas grave. Mais il insulte mon créateur, il insulte la révélation de Dieu, il insulte le prophète de Dieu, ou bien il insulte mon apparence par rapport, quand je dis mon apparence physique comme mon nez, ma couleur ou des choses comme ça, ça c'est... Tu diras, ça c'est un ignorant qui dit des bêtises. Mais quelqu'un qui m'insulte ou qui se moque de moi par rapport à mon appartenance à ma religion, ou mon apparence par rapport à la religion, ou qui se moque de l'islam, là, il faut être ferme avec des gens comme ça et leur faire comprendre qu'on n'accepte pas ce genre de moquerie et de blague. D'accord? Donc ça c'est la fin du chapitre 47, 48, pardon. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah.